94.2, service compris. La matinale de Fadjet. Allez, on vous en parlait tout à l'heure. C'est le Festival Solidaire Fest. Ça se passe à Chaligny le week-end du 15 février, le week-end prochain. Et justement, Florent est là pour nous en parler ce matin. Bonjour à toi, Florent. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comment vas-tu? Ça va? C'est pas trop tôt? Je sais qu'il est tôt, mais ça va, on gère. Je suis pas trop du matin d'habitude, mais le froid ça réveille, donc ça devrait aller. Alors du coup, Flo, tu viens nous parler justement de ce festoche et puis surtout de tout ce qui va se passer ce week-end-là. Peut-être que tu devrais nous parler de l'organisation qui organise ça et pourquoi et comment. Alors c'est l'association Vert Solidaire qui existe depuis 17 ans. À la base, tout a commencé par un montage de projet universitaire où une de nos membres devait organiser un événement. Et donc logiquement, comme on était jeunes, on écumait les concerts, les bars, on a décidé d'organiser un concert. Et ça s'est fait assez logiquement. Donc on était un groupe d'amis où on a participé à la mise en œuvre du projet. Et spontanément, en fait, l'idée, c'était de ne pas uniquement faire un concert pour la musique, mais d'allier aussi en soutien à une cause qui nous touchait. Et donc justement, quand tu parles de cause qui vous touche, le festival qui est organisé le week-end prochain, je crois, est organisé en soutien à... Ah bah tu vas nous le dire justement. On soutient pour la quatrième année à RESF et un toit pour les migrants. Donc c'est, comme j'ai dit, une cause qui nous touche. Mm-hmm. On est un peu... Pardon. Vous êtes touché par le sujet en tout cas, sinon évidemment vous ne serez pas en soutien. Voilà, évidemment, on veut essayer de démonter un peu les préjugés sur les personnes migrantes qui mm-hmm. sont en difficulté énorme. Et c'est vrai que quand on voit le traitement médiatique, ou en tout cas, on mm-hmm. a tendance un peu à voir ces personnes comme des boucs émissaires, alors qu'elles sont seulement victimes avant tout. Évidemment. Alors du coup, eh bien, pour témoigner votre soutien, vous organisez ce festival. Ça se passe sur 2 jours, donc ça commence le vendredi 15 et puis le samedi 16. Donc c'est au programme plein de concerts avec plein d'artistes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui sera à l'affiche et comment ça va se passer? Alors on a essayé un peu de diversifier la programmation puisque le but de l'association c'est de promouvoir la vie culturelle du bassin local de Moselle et Madon. Et pour le vendredi, on a une touche du Grand Est, des groupes de Nancy. On a les Écosonics qui font du reggae, un groupe tout récent, je crois que ce sera leur deuxième concert. The Lost Keepers également, ils vont faire leur baptême le soir-là, donc le vendredi 15. Et donc on a le trio de tiercé gagnant Move Abunda, un groupe de cumbia qui vient également de Nancy. Et pour agrémenter un petit peu la soirée, on a un sound system qui permet de garder l'ambiance pendant les temps morts et après la fin du dernier groupe. Alors si nos auditeurs veulent plus d'infos, évidemment, ils peuvent tout à fait aller voir la page Facebook. Vous avez créé une page Facebook sur Solidaire Fest. Donc allez voir, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pardon. J'avais une question. Est-ce que... pour s'inscrire, comment est-ce qu'on peut faire justement si on veut participer à ce festoche, on se pointe et puis où est-ce qu'on peut réserver? Alors toutes les infos se trouvent sur la page Facebook, mais vous pouvez venir directement au concert. En général, on essaye de faire le plein, on arrive quasiment à faire le plein, mais... Alors je le répète, ça se passe donc à partir de vendredi prochain 15 février, c'est à Chaligny, c'est à la salle Dominioni, et c'est à partir de quelle heure, Flo? Alors ça commence à 20h30 et ça se finit, ça se finit ça pas. Dépend, voilà, ça dépend en fait de l'ambiance, ça finit souvent en piste de danse. Je sais que comme ça fait déjà 17 ans, on a un public d'habitués, on va dire. Et c'est un peu les grandes retrouvailles de l'année pour certains, plus un public de jeunes qui se mélangent. Et c'est vrai qu'avec la 17e année, là, on commence à... peut-être voir des personnes qui n'étaient pas nées au tout début. Ah. Donc, ouais. Ça fait, on prend un coup de vieux. C'est les nouvelles générations qui arrivent et qui vous remplacent. Alors, donc, je le répète, Solidaire Fest, ça se passe le week-end prochain à Chaligny, à l'espace Dominioni. Peut-être pour les tarifs, si on veut y aller un soir, ce sera 10 ou 8 euros, c'est ça? Et les deux soirs, c'est 15 euros. Voilà, c'est ça. Donc, on a essayé de mettre en place des tarifs assez attractifs tout en rémunérant les groupes qui, je le précise, font un geste sur leur cachet, parce qu'évidemment, Bien sûr, ils sont engagés de la même façon que nous. Et donc, c'est 15 euros les deux soirs. Et si vous voulez venir un soir seulement, c'est 8 euros tarif précaire. Alors, précaire, ça comprend chômeurs, étudiants. On ne demande pas de justificatif particulier, on fait confiance. Et sinon, c'est 10 euros la soirée vendredi ou la soirée samedi. Mais bon, vous pouvez venir, faites des économies, venez les deux soirs, ça vous fait 15 euros. ça revient pas cher le groupe. Ça, c'est un bon coup de pub. Exactement. Allez, c'était Solidaire Fest. Donc, je le répète, un festival qui se déroule le week-end prochain à Chaligny, avec plein de concerts de soutien au réseau Éducation Sans Frontières et Un Toit pour les Migrants. Merci à toi, Florent. Est-ce qu'on a oublié de dire une info importante, ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? On peut peut-être terminer pour la programmation du samedi. Donc, on est content d'avoir la Casa de Bancal cette année, qui est assez connue sur Nancy. On accueille également Mason Arms, donc du early reggae au rocksteady, qui nous viennent d'Allemagne. Et pour finir la soirée en beauté, on a The Butt Shakers. Donc, pour les anglophones, il y a le petit côté fun. Enfin, moi, ça m'a bien fait marrer le nom. Je pense que ça, un ça devrait, en régie, ça là, devrait je pense déranger. Qu'il est sensible aussi. Et donc, eux viennent de Lyon. Et on a un sound system Original Skinhead Society pour agrémenter la soirée. Et un petit mot aussi sur le label Casual Records, qui a géré en partie la programmation et qui liquide ses stocks cette année. Donc, si vous voulez faire des bonnes affaires, c'est l'occasion.